planète étrange, où les manettes sont tenues par des anges déchus. Je viens de ces contrées lointaines. Vous comptez les songes et les peines de ces anges déçus. Et dans cet assemblage de pays, de plaies ouvertes, d'hommes que l'homme élit, et dans les lettres de Tom et d'Amélie, il y a des pages d'Homélie. Qui s'altèrent au fil des années, les naufragés abandonnés. Je viens d'une planète étrange, où les fenêtres sont closes, où l'on dérange les roses. Je viens de ce petit bout de roche, où des êtres s'accrochent tandis que d'autres se reposent. Et sur cette plage d'agonie, les naufragés abandonnés.